الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد aujourd'hui بإذن الله تبارك وتعالى nous allons entamer la lecture d'une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui se nomme Asbab Inshirah al-Sadr, les causes de l'épanouissement de la poitrine. Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala Muhammad Ibn Abi Bakr a cité cela dans son livre Zadul Ma'ad. Dans son livre Zadul Ma'ad, avant Kitab al-Siyam. Et les savants ont grandement complimenté cet écrit et vanté ses mérites. Et nous ont encouragé à lire ses paroles et les méditer. Al-Allama Muhammad ibn Aman Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala a fait l'explication de ce livre donc ou de cette parole qu'on trouve dans Zadul Ma'ad, ce passage de Zadul Ma'ad, Asbab Inshirah al-Sadr, les causes de l'épanouissement de la poitrine. Le livre a été traduit en français avec l'explication du Cheikh Muhammad Aman al-Jami. Donc Asbab Inshirah al-Sadr, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et l'explication de Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala. Le livre est donc traduit en français, mais il est en rupture de stock. C'est pour cela que certaines personnes ont imprimé. Jazakumullahu khayran, sallallahu alayhi wa sallam, yaghfir lahum wa yarhamahum wa yuwaffiqahum wa yubarik fihi. Pour ceux qui voudront faire des photocopies, il y en a quelques-unes ici. Vous organisez entre vous. Vous pouvez prendre déjà ce qu'il y a, il n'y en a que 5 ou 6. Vous pouvez vous servir. Et ensuite, ceux qui voudront les photocopies, vous organisez entre vous. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر صاحبه قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحرافه ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد. L'auteur ابن القيم رحمه الله تعالى nous parle donc ici des causes de l'épanouissement de la poitrine, les choses qui vont apporter l'apaisement et la tranquillité aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici il a réuni donc certaines causes. Il commence en disant فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. Le principal moyen de l'épanouissement de la poitrine est l'unicité d'Allah. Donc la plus grande cause par laquelle le serviteur se voit apaisé, tranquillisé, serein, c'est Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. والتوحيد كما علمتم وإفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد est donc la plus grande cause d'apaisement de la poitrine. Et l'unicité d'Allah تبارك وتعالى, comme vous le savez, c'est le fait de lui reconnaître ce qui lui revient de droit et de l'unifier dans cela. C'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui lui est propre, comme étant unique dans la seigneurie. C'est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Il n'a nul associé dans tout cela. Tout ce qu'Allah fait, il le fait seul. Donc il est unique dans ses actions vers ses serviteurs, tabaraka wa ta'ala. Tu dois également unifier Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration. Ifradullahi bil ibadah. Tu dois unifier Allah, tabaraka wa ta'ala, par le culte sincère. Tu ne dois adorer que lui, tabaraka wa ta'ala, ne prier que pour lui, te prosterner que pour lui. Lorsque tu veux sacrifier une bête, tu dois la sacrifier en son nom et pour lui. Si tu effectues Al-Amra ou bien le Hajj, c'est pour lui. Tu ne dois craindre que lui, n'aimer que lui. وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْعِبَادَةِ. Tu dois également unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Affirmer ce qu'il s'est affirmé dans le Coran ou lui affirmer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Tu dois également rejeter ce qui a été rejeté comme manquement et comme défaut par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Donc celui qui prend Allah tabaraka wa ta'ala comme Seigneur, comme divinité unique et qui reconnaît sa perfection, voici la plus grande cause pour avoir l'apaisement de la poitrine. C'est le fait de savoir qui est Allah tabaraka wa ta'ala et ce qui lui revient de droit. Le fait de savoir qui tu es toi et ta mission dans ce bas monde, ce pourquoi tu as été créé. Le fait de savoir que tu es le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tu dois donc l'unifier lui d'un culte sincère, car c'est ton seul créateur, le seul propriétaire, le seul pourvoyeur. C'est donc le seul qui mérite entièrement d'être adoré. Donc l'auteur nous dit le moyen principal de l'épanouissement de la poitrine est l'unicité d'Allah. Et en fonction de l'importance de sa perfection, sa force et son augmentation sera l'épanouissement de la poitrine de la personne. Plus ta croyance est forte, plus tu unifies Allah tabaraka wa ta'ala, plus ta connaissance d'Allah Azza wa Jalla est forte, plus ta poitrine sera détendue et épanouie. À cet effet, Allah nous dit dans le Coran, sous la traduction, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, Et dans le verset suivant, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Le serviteur sait que la foi augmente et diminue. Et il ressent cela de lui-même. Il ressent cela. Et il y a des causes qui augmentent la foi de la personne et des causes qui diminuent la foi de la personne. Il en est ainsi pour l'unicité de la personne dans sa croyance, dans son cœur et dans la répercussion que cela a sur sa langue, sur ses membres, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal ou sa désobéissance. Et parmi les plus grandes causes qui font que ta foi augmente et que ton unicité augmente, ou cette croyance, cette conviction augmente, sans aucun doute, ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمعرفه سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباياته الكونيه راس الامر واصل الاسباب التي بها تتقوى هذه المعرفه وهذا الايمان وهذا التوحيد. Donc la connaissance d'Allah à travers ses noms, à travers ses attributs, ses actions. La connaissance d'Allah en méditant la création et les créatures, tout cela augmente la croyance du serviteur, son unicité et sa certitude. Parmi les causes qui augmentent la foi de la personne, tilawatul Qur'an, tadabbur, le fait de lire le Qur'an avec méditation. Car dans ce Coran, Allah tabaraka wa ta'ala se fait connaître à ses serviteurs en se décrivant à travers ses noms, à travers ses attributs. Il nous cite de ses actions. À travers ce Coran, Allah azza wa jal se fait aimer le serviteur en leur citant ses bienfaits, ses nombreux bienfaits par lesquels il les a comblés. Dans ce Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre le besoin du serviteur de son Seigneur et le fait qu'il ne peut se passer de lui ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil et moins que cela. Parmi les causes qui augmentent la croyance, la foi de la personne, al-amal salih, les actions pieuses, les actions qui sont faites sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le contraire diminue. الإيمان لا فوا معصية الله تبارك وتعالى le fait de désobéir Allah diminue la foi du serviteur. Le fait de délaisser l'apprentissage diminue la foi du serviteur. Et il y a encore d'autres causes. L'auteur nous a cité la parole d'Allah تبارك وتعالى dans sourate Az-Zumar: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُرٍ مِّنْ رَبِّهِ. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre qu'il apaise la poitrine de certains de ses serviteurs. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accorde une lumière émanant de lui. Allah tabaraka wa ta'ala illumine le cœur du serviteur à travers l'iman, à travers sa connaissance subhanahu wa ta'ala, au point où certains de ses serviteurs entrent dans la sphère de l'excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que l'islam a 3 degrés, comme cela est dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab. Le hadith connu sous le nom de hadith Jibril. Lama sa'alahu Jibril alayhi salam an al-islam thumma al-iman thumma al-ihsan. Faqala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-ihsan an ta'budallaha kannaka tarah. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'excellence, donc c'est-à-dire dans le culte, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Donc tu adores Allah azza wa jal comme si tu le voyais. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, alors tu ressens le fait d'être surveillé par Allah tabaraka wa ta'ala à chaque instant. Maqam al-mushahada ou maqam al-muraqabah. Donc cette personne, Allah azza wa jal lui a illuminé le cœur à travers sa connaissance, à travers al-iman. Donc cette personne est sereine, tranquillisé par tout ce qui l'atteint dans ce bas monde. Lorsqu'elle est touchée par un bien, elle se montre reconnaissante. Elle se montre reconnaissante envers Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui accorde ses biens. Lorsque cette personne est éprouvée, elle se montre endurante, car elle sait que cette épreuve vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors elle trouve son repos dans l'épreuve. Car elle sait qu'Allah n'est jamais injuste et tout ce qu'il fait, il le fait avec science et sagesse. Allah n'opprime personne. Et il se peut que tu sois touché d'une chose que tu penses être pour toi un mal alors que c'est un grand bien. Et que dedans Allah Azza wa Jal te réserve un grand bien. Donc il est serein et épanoui. Et lorsque cette personne, malgré son endurance, faiblit, tombe dans le péché, elle se montre repentante. Elle revient vers Allah tabaraka wa ta'ala, lui demande pardon pour ce péché, délaisse ce péché. Voici la personne à qui Allah azza wa jal accorde ses bienfaits. Voici la personne dont le cœur a été illuminé par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, par l'iman as-sahih, par la foi authentique. Donc même lorsque cette personne se trouve dans la difficulté, elle ne perd pas de cette lumière. Elle ne perd pas cet épanouissement. Mais elle revient vers Allah tabaraka wa ta'ala et sait que tout ce qui la touche provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yu'min billah yahdi qalba. Allah dit dans le Coran, et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Alqamah, rahimahullahu ta'ala, un des plus prédécesseurs, explique ce verset en disant: c'est la personne qui est touchée par une épreuve. Elle sait que cela vient d'Allah. Patient, alors Allah guide son cœur. Cette personne sait que tout ce qui la touche devait avoir lieu. Et tout ce qui ne l'a pas atteint ne pouvait pas avoir. Tout a été écrit. Tout a été inscrit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décrété chaque chose. Elle a foi au dessein. Et cette croyance lui vaut l'apaisement de la poitrine. Il ne faut pas croire que la personne qui a goûté à cela, donc l'épanouissement de la poitrine, est la personne qui n'a pas d'épreuve dans sa vie, qui n'a pas goûté à la difficulté. Non, bien au contraire, les gens qui goûtent le plus à ce sens-là sont ceux qui ont été éprouvés lourdement. Car ceux qui sont le plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui se rapprochent de leur degré. Néanmoins, la personne qui a cette qualité sait comment se comporter dans l'épreuve, sait de qui provient l'épreuve, sait vers qui elle doit se réfugier lors de l'épreuve. Allah Al-Ahad As-Samad Subhanahu wa ta'ala. Donc sa poitrine s'apaise. Il est satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour lui, a décrété pour lui. Il sait qu'Allah Tabaraka wa ta'ala, c'est l'Alim al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Il sait que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le savant, le sage, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis, on nous cite un second verset dans Sourate Al-An'am, Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, min sifati l'irada, parmi les attributs d'Allah azza wa jal, la volonté. C'est par la volonté d'Allah azza wa jal que nous sommes guidés ou égarés. Allah dans ce verset nous dit que celui qu'il veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il le guide et ouvre sa poitrine à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hadi. Allah est le guide. Walaulallahi mahtadayna. Et sans Allah azza wa jal, personne n'aurait été guidé. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Celui qu'Allah guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'il égare, personne ne pourra le guider après lui. فالهداية بيد الله. La guider est donc entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc auprès de lui qu'on doit la rechercher, la demander. Et devant notre grand besoin à cette guidée, devant cette guidée, Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré au minimum 17 fois par jour cette demande. 17 fois par jour, le musulman s'humilie devant Allah azza wa jal pour lui demander cette guidée dans la salat en récitant sourate al-Fatiha. Et il dit, après avoir rempli son cœur d'amour, de crainte et d'espoir, en ayant récité le début de Surat al-Fatiha, puis en ayant proclamé son unicité, il dit « Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. » Guide-nous sur le sentier ou dans le sentier de ceux qui ont emprunté la droiture. Le sentier droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Non pas celui de ceux qui ont couru la colère, de ceux qui ont couru la colère, na'am, ni des égards. Chaque jour, tu invoques Allah Azza wa Jal et tu lui demandes cette guidée. Car sans Allah Azza wa Jal, tu ne peux réussir à faire un bien, ni t'éloigner d'un mal. Tu es constamment dans les besoins d'Allah Azza wa Jal. Et sans lui, tu n'aurais pas pu être musulman. Sans lui, tu ne pourrais accomplir la prière. Sans lui, tu ne pourrais jeûner. Sans lui, tu ne pourrais sortir ta zakat, ni accomplir le hajj, ni faire aucune bonne action. فَالْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala chaque jour et disait يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْفِ أصلح شأني كله أو كله ولا تكلني إلى طرفة إلى نفسي طرفة عين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de ne pas le laisser ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Pourquoi? Car il avait cette croyance, il avait cette conviction que sans Allah tabaraka wa ta'ala on ne peut rien réussir de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a éduqué sur cela et nous disait احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. Sois motivé dans ce qui t'est profitable, fais les causes et recherche l'aide auprès d'Allah. Fais les causes mais abandonne ton affaire à Allah, aide-toi d'Allah. Sans Allah tu ne peux réussir à rien et ne te décourage pas. Donc celui qu'Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. Il l'apaise à travers cet islam. At-tawfiq biyadillah. La réussite ne se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidée ne se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que seul Allah peut te faire entrer au paradis et t'éviter l'enfer, c'est le seul à pouvoir te permettre d'emprunter le chemin qui mène au paradis et t'éloigner du chemin qui mène en enfer. As'alullah azza wa jalla al-jannah. ونعوذ بالله من النار. والهداية هداية، هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد ودلالة. La guidée est de deux sortes. Il y a la guidée dans le sens de montrer le chemin. Il y a la guidée dans le sens de te permettre de croire et de suivre le bon chemin. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut le bien pour son serviteur, il lui montre le bon chemin. Il lui fait connaître le bon chemin. Ensuite, il lui permet de l'emprunter, d'y rester et de mourir sur ce chemin. Seul Allah Azza wa Jal peut t'accorder ça. Donc tu vois la grande nécessité d'invoquer Allah Azza wa Jal pour avoir la guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait et disait: Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-afafa wa-l-ghina. Il demande à Allah Azza wa Jal la guidée. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui connaît le mieux le chemin et qui l'a le mieux emprunté sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Il trouve cet épanouissement dans l'islam. Il se réjouit de pouvoir pratiquer l'islam. Il est fier d'être musulman. Il trouve sa place et son recueillement et son apaisement dans le fait d'être un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Il trouve son bonheur et se voit honoré de pouvoir chaque jour se prosterner pour Allah Azza wa Jal, al-Wahid al-Qahhar, al-Aziz al-Ghaffar, subhanahu wa ta'ala. Il voit en cela un honneur. Le fait d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal accorde à ce qu'il a élu et choisi par ses serviteurs. Il ne voit pas cela comme une chose de laquelle il doit se décharger, comme une chose qui lui nuit, comme une chose qui l'empêche de vivre. Non, loin de là cette idée. Loin de lui cette idée. Il voit cela comme la prunelle de ses yeux, comme son plus grand bonheur, fid-dunya, le fait d'avoir l'honneur de se tenir debout devant Allah tabaraka wa ta'ala, incliné devant Allah subhanahu wa ta'ala, prosterné devant Allah tabaraka wa ta'ala. Il se réjouit et trouve son recueillement et son plaisir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَيُحِبُّ الْإِسْلَامِ وَالْإِسْتِسْلَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِنْقِيَادِ وَالْإِسْتِقَامَ وَاتِّبَعَ هَدْيَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce serviteur qui a ajouté à cela, ce serviteur qu'Allah a raffermi sur cet islam, pour qui Allah a ouvert la poitrine à l'islam, aime l'islam, aime la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, aime le fait d'être un serviteur d'Allah azza wa jal, aime se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime le chemin de la droiture. Lorsqu'il réussit une bonne action avec l'aide d'Allah, il est heureux et content. Et lorsqu'il n'arrive pas à mettre en pratique une bonne action, ça l'attriste. Lorsqu'Allah l'aide à jeûner un jour, il se réjouit et remercie Allah pour cela. Lorsqu'il arrive à prier salat et taraweh, il se réjouit et remercie Allah pour cela. Lorsqu'il arrive à faire une aumône, il est content. Et lorsqu'il n'a pas fait son aumône, cela l'attriste. Il trouve son recueillement dans la droiture, l'épanouissement dans la droiture, dans le suivi du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il apprend une sunnah, cela vaut mieux pour lui que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Mais lorsqu'il réussit à mettre en pratique la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il se réjouit et cela apaise sa poitrine. Il aime l'islam, il aime les gens de l'islam, les gens de la droiture, les gens de la sunnah. Et cela est le fruit de cet apaisement. Du fait qu'Allah Azza wa Jalla a ouvert sa poitrine à l'islam, il ressent toutes ces sensations. Donc la plus grande cause pour avoir l'apaisement et l'épanouissement de la poitrine, c'est le tawhid, c'est l'ikhlas, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Amma ahlu shirk, alladhina a'radhu 'an at-tawhid wa ahla al-bid'ah, alladhina a'radhu 'an أماذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لهم ضيق عظيم في صدورهم. Les associateurs, ceux qui se sont éloignés de la ilaha illallah, les associateurs, ceux qui ont fait scission d'avec al-tawhid, les innovateurs, ceux qui se sont éloignés de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en partie, ces gens-là ont la poitrine resserrée. Ils se sentent mal au quotidien. Ils ne trouvent pas d'apaisement, si ce n'est un apaisement éphémère. Ils ne sont pas épanouis au quotidien, si ce n'est de manière éphémère. Et lorsqu'ils tombent dans une autre innovation, ils pensent trouver un bien. Mais ceci cause encore un resserrement de leur poitrine. Subhanallah. Et ils voyagent d'endroit en endroit à la recherche de cet épanouissement qu'ils ne trouveront jamais si ce n'est en revenant au tawhid. Ils ne trouveront jamais si ce n'est en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والخير كل الخير في اتباع من سلف. Et tout le bien se trouve dans le suivi des pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs ont suivi le tawhid, l'ikhlas lillahi azza wa jal, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui a aimé ce bien et qui l'a suivi, voici la personne qui aura le plus grand épanouissement de la poitrine. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne tout cela. Par contre, quiconque Allah veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Il ne se tranquillise pas de par l'islam. Il ne trouve pas son repos dans l'islam. Lorsqu'on lui dit Allah a ordonné cela, pour lui c'est lourd. Lorsqu'on lui dit délaisse le haram, pour lui c'est lourd. C'est comme si tu allais le mettre en prison. Lorsque tu lui dis tu dois délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah Azza wa Jal, il ne trouve pas son repos dans ça. Lorsque tu lui dis tu dois suivre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas un tel ou un tel, il ne trouve pas le repos ni l'épanouissement. Quand tu lui dis tu dois délaisser l'argent haram, tu ne dois pas vendre de drogue, tu ne dois pas utiliser le riba, les intérêts et autre chose de haram, il ne trouve pas son repos. Pour lui c'est dur. C'est comme si tu lui demandais de monter sur une montagne. Lorsque tu lui dis tu dois faire 5 prières, tu dois prier la prière du Fajr et c'est tôt, tu dois aussi préserver la prière du Isha et c'est tard, sa poitrine a du mal à accepter cela. Sa poitrine a du mal à accepter ses ordres. Il ne voit pas cela comme un bien pour lui. Il voit cela comme une charge. Il voit cela comme une charge, pas comme un moyen de se rapprocher encore d'Allah. Pas cela comme un moyen d'entrer fil Jannah. Pas cela comme un moyen de s'élever en degré fil Jannah. Non. Il voit cela comme une lourde charge sur son dos. Comme une montagne. Comme un problème sur son dos. Celui-ci, Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé l'apaisement de la poitrine. C'est pour cela qu'il a du mal à accepter les ordres d'Allah. Puis il a du mal à les mettre en pratique. Celui qui voit de lui-même que lorsqu'Allah lui donne un ordre, il se réjouit. Il va vers cet ordre. Il l'étudie pour le mettre en pratique. Ensuite, il appelle autrui à cet ordre. Qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal a voulu son bien. Qu'il sache qu'Allah a ouvert sa poitrine à l'islam. Qu'il sache qu'Allah lui a accordé l'épanouissement de la poitrine. فَلِيَحْمَدِ اللَّهِ وَلِيَسَلِ اللَّهِ الْمَزِيدِ. Celui-ci doit remercier Allah et doit demander à Allah de lui augmenter de ses bienfaits. Quant à celui qui trouve le contraire de ce que je viens de citer, celui-ci doit aller vers Allah pour qu'il soigne son cœur. Il doit invoquer Allah pour qu'il soigne son cœur car il est malade. Il doit demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ses manquements et cette noirceur qu'il trouve dans son cœur. Et il doit se soigner en remplissant son cœur de tawhid, en étudiant les sunnah, en faisant beaucoup de dhikr et beaucoup d'istighfar. Il doit soigner son cœur en allant dans les assises où on y cite Allah, où on y cite la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui trouve cette dureté dans son cœur, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé le tawfiq. Allah Azza wa Jal ne lui a pas accordé la réussite. Allah n'a pas voulu pour lui le bien. Il l'a abandonné à sa propre personne et à son âme incitatrice au mal et au shaitan. Wal'iyadu billah. As'Allah yutahhira sudurana. Ka'annama yas'adu fis sama. Allah Azza wa Jal nous dit, donc selon le sens, c'est comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Une personne qui veut gravir un mada, un mont, plus cette montagne est raide, plus il aura du mal. Celui qui monte une pente, plus cette pente est raide, plus il aura de la difficulté. Ben la personne qui a la poitrine resserrée, qui ne trouve pas l'épanouissement du cœur, devant les ordres et les interdits, il se trouve comme ça. Comme s'il essayait de gravir un mont. Il a de la difficulté, il a du mal à accepter. Lorsque tu lui dis qu'Allah t'a ordonné cela, il a du mal à le mettre en pratique. Lorsque tu lui dis qu'il faut délaisser cela, il a du mal à le délaisser. Amma celui dont le cœur, par contre celui dont le cœur est rempli de l'amour d'Allah, du tawhidullah, subhanahu wa ta'ala, celui-ci Allah l'aide. Celui-ci Allah le secours contre ses passions, contre shaitan, contre son nafs. Alors il arrive à mettre en pratique les ordres d'Allah et délaisser les interdits. Et il trouve son repos à travers cela, même si au début, il peut y trouver une certaine amertume, car il a pris l'habitude de vivre dans un certain mode de vie. Il y a du haram, il n'a pas l'habitude de faire le bien, et peut-être qu'il n'a pas grandi dans ses bonnes manières. L'adoration d'Allah est tawhid et sunnah. Afwan, mais par la suite, il va vers Allah, alors Allah vient vers lui. Par la suite, il court vers Allah. Donc Allah Azza wa Jal le rétribue et lui accorde la douceur de la foi. Il aime donc ses bonnes actions. Et la clé de tout cela, c'est avec Ad-Dua. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Personne ne peut obtenir cela avec sa force, avec son intelligence. Hein? Mais c'est Allah Azza wa Jal qui accorde cela à qui il le veut. Puis l'auteur nous dit, la guidée et l'unicité d'Allah sont les grands moyens de l'épanouissement de la poitrine. Tandis que l'associanisme et l'égarement sont les principales causes de son étroitesse et de sa gêne. Donc Al-Huda, la guidée, والتوحيد, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'emprunter le chemin de la droiture, le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le tawhid, le fait d'unifier Allah azza wa jal d'un culte sincère, voici les plus grandes causes pour avoir l'épanouissement de la poitrine. Voici les plus grandes causes pour se voir toujours serein, apaisé, dans le bonheur. Puis l'auteur nous dit, et le shirk, donc l'égarement et le shirk, donc le fait de s'éloigner de la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de s'éloigner du tawhid et tomber dans le shirk, sont les plus grandes causes pour que la poitrine de la personne se referme, se resserre, et qu'il se trouve dans la gêne. Rahimallah ibn al-Qayyim. Al-shirk ma. Al-shirk wa taswiyatullah billah fi ma huwa min khasa'isillah. An taj'ala li ghayrillah shay'an la yastahiquhu illa Allah 'azza wa jalla. Al-shirk, c'est le pire des péchés. Al-shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Al-shirk, c'est le péché. Celui qui meurt dessus s'éternisera en enfer, wal'iyadu billah. C'est le péché qu'Allah déteste le plus. C'est le péché pour lequel on a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers afin qu'ils le combattent. Ash-shirk, c'est le fait de donner un égal à Allah. Ash-shirk, c'est le fait de donner le droit d'Allah à une de ses créatures. Ash-shirk, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ash-shirk, c'est le fait d'avoir comme croyance que quelqu'un est semblable à Allah. Ash-shirk, c'est le fait de croire qu'il y a un créateur en dehors d'Allah. Ash-shirk, c'est le fait de donner l'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela, voici la personne qui aura perdu le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, sauf si elle se repent. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit au sujet du shirk, inna shirk ala dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Il nous dit également, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils nous avaient donné des associés, nous aurions annulé toutes leurs actions. Il nous dit également, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Celui qui commet du shirk, Allah lui interdit le paradis. Il lui interdit le paradis, subhanallah. Sa destination sera l'enfer, et pour les injustes, nul secours. Donc le shirk est le pire péché, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Allah nous dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui? Et le shirk se divise en deux. Il y a shirkul akbar, le polythéisme majeur. C'est tout polythéisme qui a été cité dans les textes et qui cause l'exclusion de la personne de l'islam. Et si elle meurt sur cela, elle s'éternise en enfer. Il y a également, donc le deuxième type de shirk, c'est le shirk mineur, le polythéisme mineur. C'est tout shirk qui a été cité dans les textes mais qui n'entraîne pas l'exclusion de la personne de l'islam, comme le fait de jurer par notre qu'Allah à la base, comme le fait de porter un talisman, ou des gris-gris, ou la main de Fatma, et ces choses-là, c'est du polythéisme. Donc le polythéisme empêche la personne de goûter à la sérénité, à l'épanouissement de la poitrine. C'est le pire péché, la chose la plus dangereuse. Comment est-ce que tu veux que la poitrine de cette personne goûte à la tranquillité et s'épanouisse alors que cette personne associe à Allah, alors que cette personne aime autre qu'Allah comme elle aime Allah, alors que cette personne a peur d'autre qu'Allah comme elle a peur d'Allah, alors que cette personne égorge pour autre qu'Allah, alors que cette personne se rend près des devins et des marabouts et des voyants, alors que cette personne, lorsqu'elle a un problème, elle prend une bête pour l'égorger, pour tel wali, alors que cette personne jure par un autre qu'Allah, alors que cette personne immensifie autre qu'Allah comme on immensifie Allah, comment est-ce que cette personne va avoir l'épanouissement de la poitrine? Comment est-ce que cette personne va avoir le repos alors qu'elle désobéit de jour comme de nuit au Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala? Alors que ce bonheur et ce repos se trouvent entre les mains d'Allah. C'est Allah qui le donne. Cette personne commet la pire des désobéissances à Allah et vous pensez qu'Allah va lui donner cette chose-là? La wallah. فَمَنْ كَانَ مُشْرِكًا أَوْ مُبْتَدِعًا قَلْبُهُ فِي ضِيقٍ عَظِيمٍ وَفِي حَرَجٍ ضَيِّقٍ. Donc la personne qui associe Allah ou bien qui suit le chemin des innovateurs, de l'innovation, voici la personne qui a ماذا, la poitrine la plus étroite. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cela dans le Coran, en nous racontant l'histoire de Yusuf alayhi salam lorsqu'il a fait da'wah. Ya sahibay sijn a arbab mutafarriqun khayr am Allah al-wahid al-qahhar. Yusuf alayhi salam a dit à ses compagnons de cellule, ou bien lorsqu'il est en prison, na'am, et qu'il leur a fait da'wah, ô mes compagnons de prison, est-ce que plusieurs seigneurs éparpillés sont meilleurs ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Yani celui qui adore plusieurs divinités, celui qui a cette mauvaise croyance, est-ce qu'il est meilleur ou celui qui adore qu'une divinité? Il sait ce qui est cette divinité, il sait ce que veut cette divinité, ce qui cause l'agrément de cette divinité, le dominateur suprême. Lequel d'entre eux est le meilleur? Lequel des deux sera tranquillisé? Lequel d'entre eux vivra une bonne vie? Sans aucun doute, elle mouahid, le monothéiste. Puis l'auteur nous dit, parmi les moyens qui apaisent le cœur, la lumière d'Allah. Parmi les moyens qui apaisent le cœur, la lumière d'Allah. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفصح وانشرح قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite d'autres moyens pour avoir l'épanouissement de la poitrine. Il nous dit la lumière d'Allah. Il s'agit de la lumière d'Allah. Il s'agit de la lumière. Ici, j'ai la lumière d'Allah, mais dans les cœurs. Probablement que c'est, il s'agit de la lumière qu'Allah met dans les cœurs. Donc, vous corrigerez. Il s'agit de la lumière qu'Allah met dans le cœur du serviteur, qui est la lumière de la foi. L'auteur nous dit cette lumière, c'est Nourul Iman, c'est la lumière de la foi. Elle apaise la poitrine et l'élargit. Ainsi, le cœur se réjouit. Il s'épanouit. Quand cette lumière n'est plus présente dans le cœur du croyant, alors le cœur devient étroit, gêné, et dans une prison la plus étroite et la plus difficile. L'Iman, la foi, a une beauté, a une splendeur, a un goût, a un délice. Et plus la foi est ferme, forte et élevée, et authentique, plus la personne trouve de cette lumière, de cet apaisement, de ce goût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « aura goûté au délice de la foi celui qui aura agréé Allah pour Seigneur ou comme Seigneur, l'Islam comme religion » Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et la personne ressent cela en elle-même. Lorsque sa foi augmente et diminue, lorsqu'il est plus épanoui, ou moins, lorsqu'il ressent ce goût à travers l'adoration d'Allah azza wa jal et la constance dans celle-ci, ou bien lorsqu'il désobéit Allah azza wa jal et s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ressent que sa foi diminue et qu'il perd ce goût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yuqdhafa fi an-nar wa an yakraha ya'uda fi al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit trois choses, celui qui les a trouvera à travers elle, le délice de la foi. Il nous cite en premier qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque. Et qu'il aime Allah Azza wa Jal plus que toute chose. Qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les créatures. Plus que tout le monde. Qu'il aime les gens ne les aimant que pour Allah. Qu'il aime les gens ne les aimant que pour Allah. Il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Il donne pour Allah, il retient pour Allah. Qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Celui qui a ces trois choses-là goûtera aux délices de la foi. Cette personne verras-toi à travers cette lumière, à travers l'iman, à travers la lumière de la foi qu'Allah Azza wa Jal lui a mis. Tout ce qui le touchera sera filtré à travers cette lumière, à travers ce récipient. Sa base, c'est la ilaha illallah. Sa base, c'est l'ikhlas. Sa base, c'est l'islam ou l'illah. Il sait que tout vient d'Allah et que seul Allah décide, que seul Allah décrète. Donc il se soumet pleinement à Allah et agrée tout ce qui lui vient d'Allah. S'il est touché d'un bien, il ne s'enorgueillit pas, il sait que ça vient d'Allah. Il remercie Allah. S'il est touché par une épreuve, il endure, il sait que ça vient d'Allah. Il sait que tout ce qui le touche dans ce bas monde vient d'Allah. Contrairement à celui qui ne regarde pas avec cette lumière. Lorsqu'il a un bien, il se vante et transgresse. Lorsqu'il est touché par une épreuve, il se plaint et transgresse. Lorsqu'il tombe dans un péché, il se complaît et persiste. Par contre, celui qui regarde avec cette lumière sera le meilleur des serviteurs. Même l'épreuve qui lui vaudra la pitié de ses frères sera pour lui un bienfait. Pourquoi ? Car il regardera à travers cette lumière, par cette lumière. Il regardera avec la vision du qadar, du destin, avec la vision des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Il pensera à la récompense d'Allah. Il pensera à ses manquements. Il pensera à revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc pour lui ce sera un bien. Ajaban li amri al-mu'min. Inna amra kullahu lahu khayr. Wa laysa dhaka li ahad illa lil-mu'min. Comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui le touche est pour lui un bien. Et cela n'est valable que pour le croyant. S'il est touché d'un bien, il se montre reconnaissant et ceci est un bien pour lui. S'il est touché par un malheur, il se montre endurant et ceci est un bien pour lui. Donc ce croyant a toujours l'épanouissement de la poitrine. Ce croyant a toujours l'épanouissement de la poitrine car il a été gratifié de cette lumière qu'Allah Azza wa Jal accorde au croyant à travers l'Iman. Il se peut que tu regardes un serviteur d'Allah Azza wa Jal dans des grandes épreuves. La maladie. Et tu as pitié pour lui. Il souffre. La pauvreté. Tu as pitié pour lui. Il a faim. Ne mange pas à sa faim. Ne peut pas acheter à ses enfants ce qu'il souhaite. Et il ne peut voyager. Il ne peut dépenser pour ses parents, ses enfants, ses épouses. Et il se peut que tu aies pitié pour lui car tu le vois handicapé. Ça, c'est ce qui apparaît de lui de manière extérieure. Mais en réalité, ce serviteur a un épanouissement total de la poitrine. De la relation qu'il entretient entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'iman as-sahih. À travers l'iman et cette lumière qu'Allah azza wa jal a mis dans son qalb à travers l'iman. Donc tu le vois et tu dis miskin, mais en réalité tu es plus à plaindre que lui. Car lui n'a pas de problème dans sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Tu le vois endetté, il croule sous les dettes. Et tu as donc pitié pour lui. Et tu es récompensé pour cela, cette pitié que tu as envers les croyants. Mais en réalité, lui, il sait dans son cœur que tout cela vient d'Allah. Et que le secours d'Allah est proche des gens pieux. Et que la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est proche des bienfaisants. Et cette personne est bienfaisante dans la relation qu'il a, yani dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala plutôt. فهو منشرح صدر. Donc sa poitrine est épanouie et il se réjouit de ce qu'Allah Azza wa Jal décrète pour lui. Son cœur est rempli de joie et de tranquillité. Il sait et il a la ferme conviction que ce qu'Allah a choisi pour lui, a décrété pour lui, c'est meilleur que ce qu'il aurait voulu pour lui-même et ce qu'auraient voulu ses propres parents qui l'ont mis au monde. Il sait que ce qu'Allah a choisi pour lui, c'est meilleur. Subhanallah. Cette aqida, cette croyance, fait que ce serviteur est constamment dans ماذا؟ في sens là et l'épanouissement de la poitrine. يستريح. Il se repose dans le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la certitude qu'il a quant au secours d'Allah et quant à la promesse qu'Allah azza wa jalla a faite pour les anges. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Nous rétribuerons les endurants d'une rétribution, d'une récompense inestimable, sans compter. Sans compter, tu ne peux l'estimer. Elle est tellement immense, cette récompense, que tu ne peux la chiffrer et ni l'estimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, lorsque les gens yawm al-qiyam, qui est en bonne, lorsque les gens qui sont en bonne santé, c'est-à-dire dans ce bas monde, verront le jour de la résurrection ceux qui étaient malades dans ce bas monde, et la récompense qu'Allah va leur donner, ils auraient aimé dans ce bas monde se faire découper avec des scies. Dans ce bas monde, celui qui est handicapé, celui qui est malade, celui qui a de graves problèmes, est-ce que toi t'aurais aimé être à sa place? Là, bien au contraire, tu fais du'a qu'Allah, du fait qu'Allah t'a épargné cela. Mais yom al-qiyam, lorsque tu vas voir la récompense qu'Allah accordera à ces gens-là, tu aurais aimé dans ce bas monde avoir pire que comme épreuve. Être découpé avec un mada, avec une scie. Avec une scie. Qui est-ce qui pourrait espérer cela? Personne d'entre eux. Mais yom al-qiyam, lorsque tu vois la récompense, les faveurs d'Allah Azza wa Jal, alors tu sais que ce bas monde ne vaut rien. Et que cette épreuve n'a duré qu'un instant. L'image de ce bas monde, c'est à l'image d'un homme qui est venu et qui s'est mis sous l'ombre d'un arbre pour faire une sieste, s'est relevé et reparti. Comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bas monde n'a aucune valeur. Ce bas monde ne dure pas. Les épreuves disparaissent avec ce bas monde. Les épreuves qui ont rapport avec ad-dunya pour celui qui endure. Amma ad-din, celui qui a préparé, préservé son din, c'est ça qui reste, c'est ça qui te suit. Celui qui est éprouvé dans la santé, dans l'argent, dans son couple, fali yasbir, qu'il patiente. Innama hiya ayyam, ça n'est que quelques jours, subhanallah. Telle personne se plaint parce qu'il est pauvre. Tu vas mourir demain, tu vas laisser, et les riches vont laisser leur richesse dans ce bas monde et tu vas partir avec tes actions. Tu es éprouvé par la maladie, isbir, patiente. Ça n'est qu'un ensemble de jours, tu vas mourir et tu vas partir. Et celui qui est en bonne santé va mourir aussi et va laisser la santé fi dunya. Tu es éprouvé dans ton couple, patient et endure. Ça n'est qu'un ensemble de jours. Tu as 20 ans, tu vas mourir à 60 ans, 70 ans. Patiente avec cette femme, même si tu souffres. Ensuite tu meurs et tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. Tu es éprouvé par ton mari, isbiri, patiente. Aujourd'hui, tu vois les gens se disputer, se battre, voler pour sortir de la pauvreté, tricher pour sortir de la pauvreté, divorcer à tout va pour sortir d'un problème, et ils retombent dans un autre problème qui est pire. Au final, ils se disent, cette femme était meilleure pour moi. Subhanallah. As-sabr. As-sabr, as-sabr. Endure et patiente. Ça n'est qu'un ensemble de jours. Wallahi, l'épreuve part et ce bas monde avec. Et pour les patients, une grande récompense. Délaisse le haram, patiente. Et ensuite tu meurs et tu reviens vers Allah Azza wa Jalla et tu trouves la grande récompense. La clé, c'est sabr, c'est l'endurance. Ce bas monde n'a aucune valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce bas monde était l'équivalent près d'Allah d'une gorgée d'eau. Il n'aurait même de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné un kafir une gorgée d'eau. Ce bas monde ne vaut rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, l'espace d'un petit bâton au paradis est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Ta place qui t'attend fil jannah, insha'Allah ta'ala, ben l'espace d'un petit bâton dans cet espace vaut mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Subhanallah. Et les gens ne patientent pas sur l'argent, sur le haram, sur une épouse qui a des manquements, sur un enfant, sur des parents, sur la maladie, et ainsi de suite. Comment est-ce que vous voulez qu'on obtienne l'épanouissement de la poitrine? Al-sabr, wal-ihtisab, wal-yaqin, endure, patiente, et la certitude dans la promesse d'Allah Azza wa Jalla dans la récompense. Délaisse le haram, aslih min sha'nik. Réforme-toi, corrige-toi, va vers Allah Azza wa Jalla. Améliore la relation qu'il y a entre toi et Allah, et Allah Azza wa Jalla améliorera la relation qu'il y a entre toi et les gens. Et ne fais pas devancer l'agrément des créatures d'Allah Azza wa Jalla, tu vas tout perdre. Fais devancer l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Et si les gens ne t'agréent pas, parce que tu veux te cramponner à cette religion, parce que tu veux observer la droiture, suivre le chemin du prophète Arsel, sache qu'Allah Azza wa Jalla est satisfait de toi. Et Allah Azza wa Jalla te suffit. Et quel bon soutien. Tabaraka wa ta'ala. Les gens qui ont obtenu cette lumière dans les situations les plus difficiles ne perdent pas le moral. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette lumière d'Allah Azza wa Jalla. Car ils ont l'iman, car ils ont la certitude, car ils ont l'ikhlas, car ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par plus que cela. Wala aqibatu lit taqwa, wala aqibatu lil muttaqin. Mais ils savent que le secours d'Allah est pour qui? Pour les gens purs. وَمَاذَا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla est proche des bienfaisants. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala avec qui comme cheikh? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, cheikh l'islam Ahmed. Cet homme-là a été éprouvé, ce grand savant de l'islam a été éprouvé. Il a été emprisonné injustement. On lui a fait du mal de nombreuses années dans sa vie. Malgré ça, il dit à ses détracteurs, « Inna jannati fi sadri. » Il leur dit, « Moi, mon paradis est dans ma poitrine. Qu'est-ce que vous allez faire contre moi ?»« Inna jannati fi sadri. » Il leur dit, qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Moi, mon paradis est dans ma poitrine. Est-ce que tu peux sortir la chose de la poitrine de la personne? La chose abstraite, non. Tu peux lui enlever la sécurité, tu peux lui enlever la liberté, tu peux lui enlever la vie, bi-idhnillah. Mais tu ne peux pas lui enlever son tawhid. Tu ne peux pas lui enlever son tawhid. Lorsque Bilal, radiallahu anhu, était torturé, dans le désert, et qu'on a essayé de lui enlever le tawhid, mais Allah lui avait donné cette lumière et l'avait raffermi dans l'islam. Qu'est-ce qu'il disait? Ahadun ahad, il proclamait l'unicité d'Allah Azza wa Jal, munsharah sadr. On mettait sur sa poitrine de lourdes pierres, et à l'inverse, Allah Azza wa Jal ouvrait sa poitrine à l'islam, encore plus, et lui donnait le délice de l'islam, encore plus. وهكذا العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. Ils ont tout essayé. Mais au final, il a dit cette parole qu'on rapporte de lui, inna jannati fi sadri. Certes, mon paradis à moi est dans ma poitrine. Il leur disait, si jni khalwa, vous me mettez en prison, aucun problème. Car je vois cela comme un moment où je pourrais être seul pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Comme un moment où je pourrais avoir du temps pour être seul et adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Nafisiha. Par moment, il le faisait sortir de prison pour le mettre dans une autre prison et il le faisait passer d'un pays à un autre pays. Ben il disait, pour moi ça c'est du tourisme. Ça me permet de voir du pays. Pour moi ça c'est du tourisme. Hein? Pour moi c'est du tourisme. Qu'est-ce qui reste? Hein? Qu'est-ce qui reste, les frères? Qu'est-ce que tu peux faire de plus à la personne? Au final, le tuer, ça? L'assassiner. Ben, il leur disait, qatli shahad. Et si vous me tuez, j'espère mourir martyr. Est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce que tu peux faire plus à la personne? Ah, kada. C'est ainsi qu'étaient les savants de l'islam, ahl al-tawhid, ahl al-sunnah wa al-jama'. Les gens qui ont goûté au délice de la foi. Les gens qui ont reçu cette lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers les imams. Les gens qui ont su que ce bas monde ne valait rien. Et que c'est l'au-delà qui comptait. Et que ce bas monde était mazra'atul akhira. Que ce bas monde n'était qu'un champ de labour. Et que la récolte allait avoir lieu. Yawm al-qiyamah. Ces gens-là ont su qu'il fallait œuvrer pour demain, pour le paradis. Donc regardez, Ibn Taymiyyah, malgré les lourdes épreuves, il a eu l'épanouissement de la poitrine. Et c'est lui qui, après Allah Azza wa Jalla, a éduqué Ibn al-Qayyim ainsi. Ibn al-Qayyim et d'autres, parmi les élèves d'Ibn Taymiyyah, nous rapportent et disent, par moments, on n'avait pas le moral. Alors on allait visiter Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, vous avez entendu sa situation, la difficulté, la prison, et ainsi de suite, l'injustice. Ils nous rapportent et disent, on était avec lui. C'est lui qui était dans la difficulté. Et c'est lui qui nous remontait le moral. Subhanallah. Il leur parlait. Il leur disait des versets, des hadiths. Il leur disait des paroles sages. Et quand on repartait, on dirait que c'est nous qui étions à sa place. Il avait tellement goûté à ces sens-là, l'épanouissement de la poitrine, que où qu'il soit, en prison, dans la maladie, dans la difficulté, ben c'est lui qui remontait le moral des autres. À l'image de quelqu'un qui va visiter un malade, qui est sur son lit de mort, il vient pour lui remonter le moral, pour lui dire « patiente, t'inquiète pas ». Et au final, c'est le malade qui lui remonte le moral. Hein? Pourquoi? Parce que le malade se voit dans un bienfait. Il se voit dans une ni'ma. Il est allongé. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il sait que ça lui vient d'Allah. Il patiente, il sait que s'il meurt ainsi, il a la récompense des patients. Il sait qu'il ne peut plus faire certaines parmi les nawafil, mais qu'Allah lui inscrit toutes ses nawafil, alors qu'il est allongé sur son lit. Les gens le visitent. Alhamdulillah. Il est fi khayr, fi ni'ma. Subhanallah. Qui peut avoir ces sens-là? Qui peut se souvenir de cela? Que celui à qui Allah a accordé cette lumière. وَهِيَ نُورُ الْإِيمَانِ comme nous dit Al-Allamatu ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et certains parmi les anciens disaient, après avoir goûté ces sens-là, مَنْ لَمْ يَدْخُلِي مَاذَا جَنَّةَ الدُّنْيَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةَ. Certains parmi les anciens disaient, celui qui n'entre pas dans le paradis de ce bas monde n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Celui qui ne goûte pas aux délices que cache ce bas monde, alors il n'entrera jamais dans le délice que cache l'au-delà. De quel délice s'agit-il? De quel paradis s'agit-il? Ma'rifatullah wal-unsu bih wal-qurbu minhu. Il s'agit de la connaissance d'Allah. Il s'agit de l'unicité d'Allah. Il s'agit du fait de se sentir proche d'Allah. Celui qui goûte au tawhid, au délice de l'islam, voici celui qui goûtera au paradis. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, quand cette lumière n'est plus présente dans le cœur du croyant, alors le cœur devient étroit, gêné, et dans une prison la plus étroite et la plus difficile. Celui qui perd cette lumière, celui à qui Allah Azza wa Jalla n'accorde pas ce bienfait, alors il vit une vie remplie de gêne, il se sent mal. Il peut avoir la maison la plus vaste, la voiture la plus confortable, les richesses les plus précieuses, mais il se voit toujours dans la gêne, dans la difficulté. Il se sent mal, il vit mal. Tout ce qui le touche pour lui est un mal. Il court après son bonheur et l'épanouissement de la poitrine dans l'argent. Cet argent devient un châtiment et un supplice pour lui. Il recherche cela à travers les femmes. Ces femmes-là deviennent un mal et un malheur pour lui. Il cherche cela à travers la dunya. Cette dunya le châtie. Il l'a pris au début pour son plaisir et maintenant il la cherche pour se soigner. Cette personne ne goûte pas au bonheur ni à l'apaisement de la poitrine. Pourquoi? Car il ne l'a pas cherché où Allah Azza wa Jal l'avait mis. Donc son cœur devient étroit et gêné. Et il se voit dans une prison la plus étroite qui puisse être. La plus étroite, amada, et la plus difficile. Il se peut que tu crois ces gens-là et que tu les envies. Car tu les crois dans le bonheur. Tu les penses dans le bonheur. Mais en réalité, ces gens-là sont en prison. Ces gens-là sont en prison. Ces gens-là souffrent. Ces gens-là vivent une vie remplie de gêne. Tu vois, tu le vois dans l'argent, dans le luxe. Mais c'est ces mêmes personnes qui au final se suicident. Car de nombreuses années, ils ont couru après le bonheur et ne l'ont jamais trouvé. Car ce bonheur se trouvait dans le tawhid, dans l'iman, dans l'ikhlas, dans l'islam, dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les actions pieuses, dans l'endurance, dans la reconnaissance, dans le repentir, dans les actions pieuses. Ces gens-là souffrent. Ces gens-là les attendent d'une souffrance qui est encore plus durable et plus difficile. À l'inverse, il se peut que tu croises des gens que tu penses malheureux dans les plus grandes difficultés. Et en réalité, ces gens-là sont heureux et dans le bonheur. Pourquoi? Car ils ont la ilaha illallah. Car ils ont compris la ilaha illallah. Car ils ont mis en pratique la ilaha illallah. Car ils ont délaissé l'attachement à tout autre qu'Allah. Car ils ont placé leur confiance qu'en Allah, unifié Allah, d'un culte sincère dans l'amour, la crainte, l'espoir, la demande d'aide, la demande de secours. Et tout ce qui plaît à Allah Azza wa Jal et qu'il a créé. Ces gens-là sont libres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parfaitement décrit cela yawm al-qiyam. En nous disant qu'Allah va amener la personne qui a vécu la plus belle vie fi dunya. En apparence, avec la dunya. On va le mettre en enfer. Un court instant, il en sortir. On va le tremper un instant et le sortir de l'enfer. Ensuite, on va lui demander au serviteur, est-ce que tu as déjà goûté au bonheur dans ce bas monde? Imaginez, c'est la personne qui a tout fait dans le dunya, mais dans le haram. Il n'y a pas un plaisir auquel vous pouvez penser sans qu'elle ne l'ait fait. Il n'y a pas une personne fait dunya qui a eu plus que lui. Dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Malgré ça, écoutez ce qui se passera ce jour-là. Le jour des comptes. Le jour de la grande perte. Yawm al-Hashr, le jour du rassemblement. Yawm al-Tarabu. Yawm al-Qiyam, le jour de la résurrection. On va le mettre en enfer un court instant et l'en sortir. Ô serviteur, est-ce que tu as déjà été heureux dans ce bain? Donc, une vie remplie de plaisir. Contre un instant en enfer. Qu'est-ce qu'il va répondre? Jamais au Seigneur. Je n'ai jamais goûté au bonheur. À l'inverse, on va amener la personne qui a eu la vie la plus difficile fi dunya. Est-ce que quelqu'un d'entre nous pourrait prétendre être cette personne? Non. Le plus malheureux du monde au jour d'aujourd'hui ne pourrait pas prétendre être cette personne. On va amener la personne qui a vécu la vie la plus difficile dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Dans tous les domaines qu'on pourrait imaginer. On va le mettre un instant au paradis et l'en sortir. Ensuite, on va lui dire, ô serviteur, est-ce que tu as déjà été malheureux un jour dans ta vie? Est-ce que tu as déjà goûté au malheur? Il va dire, jamais, ô mon Seigneur, je n'ai jamais été triste, jamais je n'étais malheureux. Subhanallah. Regardez là, le fruit du tawhid, le fruit de cette lumière du iman, le fruit de l'endurance. Un instant en enfer a fait oublier tous les plaisirs du bas monde à cette personne. Et à l'inverse, la deuxième personne, un instant au paradis lui a fait oublier toutes les difficultés de ce bas monde. Donc, il nous faut endurer et patienter. Il nous faut endurer et patienter, savoir que ce bas monde ne vaut rien et que c'est l'au-delà qui est durable et éternel. Puis l'auteur nous dit, l'imam al-Tirmidhi rapporte dans son Jami', son livre de recueil des hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'apaise. On lui demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel en est le signe? Quel en est le signe? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le désir ardent du monde de l'au-delà, de l'éternité. L'hostilité du monde trompeur, c'est-à-dire la dunya, ce bas monde, et la préparation à la mort avant son avènement, avant qu'elle ne te touche. Ce hadith, Cheikh Mohamed Anjami nous dit qu'il n'est pas dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, mais qu'il a été accepté par Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc la personne à qui Allah Azza wa Jalla a fait entrer cette lumière dans le cœur goûte à l'épanouissement du cœur. De cela en tire un grand sens, c'est que l'épanouissement du cœur provient de qui? De la poitrine provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se demande à qui? À Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il se demande à Allah. Ça, c'est un sens très important à retenir. L'épanouissement du cœur provient d'Allah. Il se demande donc à Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui nous a éduqués et nous a appris à lui demander. اهدنا الصراط المستقيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب. Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Allah nous a éduqués à lui demander. Ya ibad, kullukum dallun illa man hadait, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui à qui j'ai accordé la guidée. Demandez-la moi donc, je vous l'accorderai. Donc on doit demander à Allah Azza wa Jal, demande à Allah Azza wa Jal qu'il apaise ta poitrine. Combien sont les soucis des gens? Combien sont les soucis? Lui a des soucis avec ses parents, lui avec ses enfants, lui avec son épouse, elle avec son mari, lui avec l'argent et ainsi de suite. Le remède à tout cela, revenir à Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir l'apaisement de la poitrine. Donc les signes de cet apaisement, c'est le fait d'aller vers ce qui Mada, le désir de l'au-delà. Mais celui qui désire l'au-delà, c'est celui qui a préparé son au-delà avec les actions pieuses. Et celui qui a connu la bassesse de ce bas monde. Cette personne se détourne de cette dunya. Cette personne prépare son au-delà. Voici les signes de la personne à qui Allah Azza wa Jalla aura accordé cette lumière et qui aura la tranquillité du cœur. Il sait que ce bas monde n'a aucune valeur. Il n'accorde pas de valeur à ce bas monde. Il l'utilise pour préparer son au-delà. Donc celui qui voit de lui-même qu'il invoque beaucoup Allah, qu'il va souvent vers Allah, qu'il adore Allah, qu'il aime adorer Allah tabaraka wa ta'ala, qui fait beaucoup d'istighfar, beaucoup de tawba, qui prépare son au-delà, qui a peur d'Allah, mais qui aime aussi Allah et qui espère aussi en Allah, celui qui trouve ces sens-là, c'est un signe qu'Allah lui a accordé l'apaisement de la poitrine à travers cette lumière du iman. Cette dunya, elle n'utilise que pour, en tant que tremplin pour aller vers Allah tabaraka wa ta'ala et le paradis. Voici les signes de bien, voici les signes qu'Allah azza wa jalla a voulu pour ses serviteurs, le bien. Il va vers Allah entre la crainte et l'espoir. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, la poitrine de l'homme s'épanouit en fonction de l'intensité de cette lumière qu'il atteint. Donc plus Allah Azza wa Jalla t'accorde de cette lumière de la foi, plus ta poitrine s'apaise et sera ferme. Il nous dit ainsi la lumière substantielle, donc la lumière, celle-ci, celle qui nous éclaire, par laquelle on peut voir, hein, la lumière de ta chambre, la lumière de ton salon, la lumière qu'il y a au masjid, la lumière du jour, la lumière du soleil. Il nous dit que cette lumière est également une cause de l'apaisement de la poitrine. À l'inverse, l'obscurité physique la rend étroite. Donc cette lumière, hein, cette lumière par laquelle nous voyons, est une cause pour l'apaisement de la poitrine. Et l'obscurité et le noir est une cause pour le resserrement de la poitrine. Donc la personne ne doit pas rester dans des endroits qui sont sombres, mais plutôt aller vers des endroits qui sont éclairés. Regarde-toi, là, tu es au Masjid. qui est, il est éclairé. Tu peux voir ton cahier, ton stylo, tu peux écrire, tu peux profiter. Chez toi, pareillement, lorsque c'est éclairé, ou la personne qui est dehors, lorsque c'est éclairé, ceci l'apaise. Alors que celui qui est dans l'obscurité, dans le noir, il ne trouve pas le recueil. Hein? Celui qui roule par exemple dans l'autoroute, taillé sur l'autoroute et qui voit le ciel vaste, ça apaise sa poitrine. Mais celui qui traverse un endroit, se met d'embûches dans le noir, comme une forêt ou autre, et sa poitrine se referme. Hein? Il n'est pas mutma'in. Et c'est ainsi que les gens du bien vont par exemple au Hajj, au Masjid al-Nabawi, et ils trouvent cette lumière. C'est éclairé, c'est munawwa, et ça le touche. Alors que sahara al-kafara, alors que les sorciers, al-kafara et autres, ils vont dans des endroits sombres. Ils vont la nuit au bord de la mer pour égorger pour les shayatines, pour travailler avec les shayatines. Ou bien les sorcières ou les sorciers se mettent dans des pièces sombres, pour invoquer les morts ou bien pour invoquer les shayatines et ainsi de suite. Regardez, ces gens-là vivent dans le noir et dans la saleté, alors que les autres, les gens du tawhid, vivent dans la lumière et dans la propreté. Ces gens-là ont inshirah al-sadr, et ces gens-là ont dhiq al-sadr. Donc la lumière, c'est une cause. Ainsi, la personne chez elle ne va pas se mettre dans des conditions où elle va être constamment dans le noir, ou peindre tous ses murs en noir et rester dans des endroits sombres. Là, au contraire, elle va préférer les couleurs ma'adha qui illumine la pièce. Voici pour ma'adha notre cours d'aujourd'hui, à ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité. Et demain, inshallah ta'ala, on continuera avec la cause suivante, l'ilm. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله تبارك وتعالى والجواد الكريم الغفار أرحم الراحمين أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين واغفر لأمي وأسعدها في قبرها ونور قبرها وارفع درجاتها في الجنة يا أرحم الراحمين وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك